me suivra jusqu'à l'éternel, me suivra jusqu'au bout, d'où surgiront les étincelles accrochées à mon cou. Qui me suivra jusqu'à l'éternel, me suivra jusqu'au bout, d'où l'on verra tomber le ciel et moi toujours debout. Les écoutes de crayon sont forcément beaux vus d'en haut, et ces quelques rayons reflétés dans l'eau. Et ces coups de crayon sont forcément beaux vus d'en haut, et ces quelques rayons reflétés dans l'eau. Je te verrai dans des draps de satin, en Ève et en Adam, le sourire aux lèvres tous les matins, comme en rêve ou comme avant. Tu me suivras jusque dans ce ciel dessiné sinueux, presque décimé d'hirondelles, une fresque de nous deux. Ces coups de crayon sont forcément beaux vus d'en haut, et ces quelques rayons reflétés dans l'eau. Et ces coups de crayon sont forcément